Thank you.

t'enfant. Ah ouais, si on a un cadeau, un cascadeur à la manière du singe, manier, manier. Partout au large, on colle collecté des neurones. Enfin, si l'on reste avant, on déconne, tu peux te déconner. Si tu peux profiler, c'est quand un grand jour, c'est impossible de refuser. Elle risque de se vexer. Que comme une fille, je vois que ma douceur en vie prend la fume du plein air. On voit là, bitch, j'en bitch. Hey, fuck your mother, bitch. J'ai poli, désolé, tu as écrit. Ok. Sorry, I'm sorry. Vas-y chante, sing for me. On a sur un photage, on cite toutes les bouts d'un soirée. Je dis si mon gars, tu kiffes les phases. C'est un peu à cause de Christine. Vous m'avez l'air assez endormi les gars. You sleep or what? What is happening? I don't understand. What is happening? Thank you.